Je propose que nous portions un toast à la famille. À la famille. Les métamorphoses de la famille, deuxième épisode, les familles de l'immigration. Et sinon, maman, vous avez fait quoi, vous, hier soir? Nous avons dîné à Montmartre, dans un petit bistrot très folklorique. Ah, c'est formidable, ça, tu me donneras l'adresse? Bien sûr. Formidable, oui, enfin, sauf qu'au retour, on s'est perdu, on s'est retrouvé à Barbès. Alors, ça aussi, c'était folklorique. Hein. Ça ne vous plaît pas, Marie? Tu sais, ciao, très, très bon. C'est juste un peu sec. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est quelle viande? De l'autruche. De l'autruche? D'habitude, je le fais avec du porc. C'est moins sec, mais là, vous... Ah oui, bah oui, bien sûr. Je vous rassure, Claude, je ne mange pas de porc, mais je ne suis pas un intégriste. Regardez, je bois même du vin. Mais je n'étais pas inquiet, hein. Moi, c'est pareil, hein. Juste le cochon. On n'y peut rien, c'est des traditions millénaires. Oui, enfin, moi, je suis d'origine auvergnate, c'est pas pour autant que je mange de la ligot tous les jours. Hein. Mais n'importe quoi, papa. Quoi, ça va? Enfin, c'était de l'humour. Je l'ai taquiné. Excellent, Claude. La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter. De l'autruche quand on ne peut pas servir de porc à ces nouveaux gendres. On aura reconnu le film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Bonjour Martine Segalène. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous allez beaucoup au cinéma. On y voit une famille auvergnate installée dans une belle maison des bords de la Loire. C'est le résultat d'une longue ascension sociale après des générations de familles nucléaires. Et puis voilà que des gendres arrivent. C'est le tableau présenté de façon humoristique de la société moderne, évidemment, avec ces mariages mixtes, puisque parmi les quatre filles, il y en a une qui épouse un musulman, un autre un juif, un autre un chinois, et la dernière qui épouse un catholique bontain, si j'ose dire, mais qui est noir. Mais surtout, ce portrait nous est montré de familles nucléaires, le père, la mère, assez classiques, qui ont vécu cette ascension sociale qu'on dit en général nécessaire. Cité trois générations, mais qui maintenant, malheureusement, Attendez, sociologue, je dis malheureusement quand même, il faut constater des choses négatives tout de même, se fracturent sur les problèmes sociaux et qui font qu'on a un tout petit nombre maintenant de familles assez aisées en haut de l'échelle sociale et puis un plus grand nombre qui sont. Mais bon, en même temps, on va pas lier complètement problèmes économiques et transformation familiale. Mais il est clair qu'on est dans des systèmes familiaux maintenant, dans des modèles familiaux extrêmement différents et que le modèle unique, la famille nucléaire, s'il a jamais existé, ce dont je suis pas sûre, maintenant fait place à une diversité de modèles sociaux. Et c'est vrai que les causes économiques y jouent souvent. Un adverbe vous a échappé que je ne vais pas vous faire répéter, Martine Segalène, et vous avez précisé de suite. Oui. Mais je suis sociologue. Alors, avec Agnès Martial, vous avez publié une sociologie de la famille chez Colin. On en est à la 9e édition. Sociologie et droit de la famille. On parle du droit de la famille, nous, toute cette semaine. Les sociologues sont utiles. Le grand doyen Jean Carbonnier, qui est l'auteur de la modernisation du droit de la famille des années 1960-1970, non seulement parlait un français parfait, une petite dizaine de langues, très correctement, et il disait, il faut s'adapter aux faits, flexible droit, et la sociologie, ça me passionne. Bon, c'est évident, enfin, je respecte beaucoup aussi les travaux du doyen Carbonnier, et c'est vrai que il y a eu un intérêt très... La sociologie de la famille, d'abord, faut le savoir, c'est une science, si tant est que c'est une science d'ailleurs, très récente. Et ces transformations familiales extraordinaires auxquelles on a assisté à partir des années 1960-70 se sont mises à interpeller le droit. Et on peut prendre l'exemple du divorce dont vous parliez hier avec Laurent Barry. Il y a un divorce extrêmement libéral qui est instauré à la Révolution, qui ressemble à peu près au divorce qui existe maintenant, c'est-à-dire tu me plais plus, je ne te plais plus, on divorce, on se sépare, aussi simple que ça. Bon, il y a retour en arrière avec Napoléon, le code civil, le divorce est restreint puis supprimé pour arriver à une loi en 1886, la loi Naquet, qui n'autorisait le divorce que sous forme d'une faute à un contrat social. Et dans les années 1970, on s'aperçoit que les relations du couple ont complètement changé et c'est avec des enquêtes auprès de ce qu'on appelait les divorçants, que Jacques Comaille, qui est un grand spécialiste du droit de la famille, a fait cette enquête et a montré que cette loi était totalement anachronique par rapport à la loi. Et donc, cette loi a été transformée et donc a été flexible et s'est adaptée aux mœurs. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent toujours s'adapter aux mœurs. Il y a aussi des propos éthiques qu'il faut prendre en compte. Mais c'est vrai que sociologie et droit vont dialoguer ensemble. Mais vous êtes dans la marge de l'histoire, alors on va remonter un peu en arrière, aux années 1880, au lendemain du Second Empire, avec ce maître de la nouvelle qui était, Guy de Maupassant. L'homogamie était dominante dans les familles, et par exemple dans les familles paysannes, où il fallait, génération après génération, construire une ascension sociale. Et se marier avec son semblable, c'est voilà, ça la et définition. Se marier avec son semblable. Alors là, il y a un jeune homme qui s'appelle Boitel. Social. Il arrive avec une fille, bon, qui est bonne, mais qui a un petit pécule à la caisse d'épargne. Ça serait peut-être son semblable si, je sais pas comment vous dire, il n'y avait pas un inconvénient. Il attendit la fin du repas. L'heure où le café baptisé d'eau de vie rendait les cœurs plus ouverts, pour informer ses ascendants qu'il avait trouvé une fille répondant si bien à ses goûts, à tous ses goûts, qu'il ne devait pas en exister une autre sur la terre pour lui convenir aussi parfaitement. C'était une bonne, sans grand avoir, mais vaillante, économe, propre, de conduite et de bons conseils. « Il n'y a qu'une chose, dit-il, qui pourra vous contrarier, elle n'est brun blanche. » Il ne comprenait pas. Et il dut expliquer longuement, avec beaucoup de précautions pour ne point les rebuter, qu'elle appartenait à la race sombre dont il n'avait vu d'échantillon que sur les images d'Épinal. Alors ils furent inquiets, perplexes, craintifs, comme s'il leur avait proposé une union avec le diable. La mère disait « Noir, combien qu'elle l'est, c'est-y partout ?» Il répondait « Pour sûr, partout, comme t'es blanche partout, t'es... » Le père reprenait « Noir ? C'est-y noir autant que le chaudron ?» Le fils répondait « Peut-être ben un petit peu moins. » Mais le bonhomme remuait la tête. « Ça doit être déplaisant. » Alors toute la journée, la jeune fille noire essaye de recueillir l'assentiment des parents de son bon ami. Elle est chaude la vaisselle, elle va jusqu'à traire les vaches. « C'est une brave fille tout de même. C'est dommage qu'elle soit si noire. Mais vrai, elle est trop. Je pourrais pas m'y faire. Faut qu'elle retourne, elle est trop noire. » Il eut beau implorer les vieux, ils ne consentirent jamais. Et quand il avait conté cette histoire que tout le pays connaissait, Antoine Boitel ajoutait toujours « À partir de ça, j'ai eu de cœur à rien, à rien. » On lui disait « Vous vous êtes marié pourtant. » « Oui, mais ce n'est point l'autre. Oh non, pour sûr, oh non. L'autre, voyez-vous, ma négresse, elle n'avait qu'à me regarder. Je me sentais comme transporté. » Et Antoine n'a pas imaginé s'émanciper de la vie de ses parents. Il restait dans la négociation. On est en 1880. Vous pouvez nous raconter une histoire intime qui commence dans les années 1860, avant même, Martine Segalen. Oui, je vais vous parler de mes arrière-grands-parents. Mais avant ça, je voudrais citer le proverbe de mon maître Alain Girard qui disait « On n'appareille point un jet avec une agace ». J'aime bien le point, il est tout à fait dans la note. Et c'est bien ce dont il est question là en 1870 de se marier avec quelqu'un de noir. Mes arrière-grands-parents du côté de ma grand-mère paternelle sont venus de Suwałki, une région qui est au nord de la Pologne maintenant, à la limite de la Lituanie. Et c'était, je vais vous faire une confidence, il s'appelait Winston et je crois que l'horrible Winston qui est à Hollywood est un cousin lointain. Bon, je ne m'en vante pas trop. Et ils sont arrivés à Paris et en tant que migrants juifs qui fuyaient l'antisémitisme et cherchant la liberté, ils ont pu, en tant que migrants, s'intégrer grâce au milieu qui l'ont accueilli, le milieu juif parisien, le shtetl des années 1870, et se sont intégrés en étant casquetiers. C'était la profession de tous les juifs de cette région-là. Et donc on voit ce qui fonctionne à l'époque, c'est une endogamie, c'est-à-dire ils sont mariés sur deux générations entre eux, et puis à la troisième, il y a eu ouverture à d'autres mariages et intégration dans la société. Mais à la différence, évidemment, des questions migratoires actuelles, ils sont un exemple de la façon dont ça pouvait fonctionner pour pouvoir devenir des citoyens français pleins et entiers. Un grand changement intervient, je fais un saut dans le temps, vous parliez des années 60, j'en suis maintenant aux années 1970, aux années Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, il a une politique mouvante, parce que d'un côté, il voudrait suspendre l'immigration, prôner et aider le retour, et en même temps, circulaire de 1976, il autorise le regroupement familial, qui ensuite sera consolidé, il y aura beaucoup de restrictions qui viendront par la suite, en 1984, par une loi. Témoignage venu de la communauté portugaise, avant que le Portugal ne fasse partie de la communauté européenne. Mon père m'a toujours dit, ne crache jamais dans la soupe qui t'a donné à manger. Par contre, je ne peux pas renier mes origines parce que j'ai été élevé avec ces origines-là et j'en suis très très fier. Mon père est arrivé ici, il a travaillé dans les travaux publics quand il est arrivé, une bonne quinzaine d'années. Et ensuite, il a été travailler, il était agent d'entretien pour un grand syndicat français à l'époque. Voilà. Vous habitiez déjà pas loin d'ici, dans le Val-de-Marne ? On habitait dans le Val-de-Marne, exactement. Ouais. Oui, parce que quand ils sont arrivés à l'époque... Dans les travaux publics, on n'avait pas spécialement d'habitation, mais on avait des sortes de baraques, des algéco ou ce genre de choses sur lesquelles les gens habitaient. Donc ils habitaient là où... Si le chantier durait 2 ans, ils habitaient à cet endroit-là pendant 2 ans. Et ensuite, ils allaient habiter ailleurs pendant 2 ans, parce que mon père est venu tout seul pendant une dizaine d'années ici. Et puis au moment du regroupement familial dans les années 70, bah, il a fait comme toutes les communautés immigrées, toute la famille est venue en France. Ce qui fait que ma mère est arrivée dans les années 70, alors que mon père y était depuis 62. Donc nous, on était 10 enfants. Moi, je suis le plus jeune, hein, donc il y a que mon frère et moi, nous sommes nés en France, et toute la génération, enfin les frères, mes aînés, sont eux nés au Portugal. Oui, c'est important parce que c'est la reconnaissance du droit à une existence familiale. Alors ça, c'est effectivement un élément nouveau qui a été introduit, comme vous dites, par Giscard d'Estaing, parce que la France est un très vieux pays d'émigration, parce que la France, il faut savoir, était le pays le plus peuplé d'Europe à la Révolution, et s'est fait distancer par l'Allemagne et l'Angleterre pendant tout le 19e, et elle a constamment manqué de main d'œuvre. Donc elle a toujours fait appel à des Polonais, à des Italiens, etc. Et il y a eu cette migration portugaise assez caractéristique après la Seconde Guerre mondiale, où, comme le dit ce monsieur, les Portugais travaillaient dans la reconstruction des banlieues et ils vivaient effectivement sur les chantiers. Et puis il y a cette période où on fait ce regroupement familial et la communauté portugaise est caractérisée par cette à la fois très forte intégration dans la société française tout en ayant gardé des liens très importants avec leur village d'origine. La pendularisation. Disent les sociologues. Non, pendularisation, c'est aller habiter régulièrement dans un et puis travailler ailleurs. Ouais. Non, c'était l'aller-retour quand même avec le Portugal. C'est des maisons, c'est-à-dire que vivre souvent dans des conditions très précaires en France, mettre de l'argent de côté et se construire une belle maison au Portugal dans l'idée qu'on va y passer sa retraite. Et en fin de compte, d'ailleurs, quand l'âge de la retraite arrive, c'est pas sûr qu'on ait envie de retourner là-bas parce que les petits enfants sont implantés ici. Juste une provocation parce que vous aimez défendre la famille élargie, son maintien, sa nécessité, les oncles, les tantes, les grands-parents. Au fond, si on voulait être cohérent, par exemple, pour que les Africains soient éduqués en confiance, il faudrait autour d'eux toute la famille élargie, le regroupement familial devrait la concerner aussi. Théoriquement, oui. Enfin, c'est pas possible, évidemment, mais on sait très bien que les jeunes Africains, quand ils arrivaient en France, maintenant, je pense que les choses ont un peu changé, ont l'habitude de vivre en famille élargie, de circuler entre les oncles, les tantes et les cousins, et que l'autorité soit, en fin de compte, déposée entre les mains de tout cela. Donc, un oncle peut dire à un enfant, tu te tiens mal, etc. Et quand ils arrivent en France et ils vivent, pour les raisons qu'on sait, en famille nucléaire, ils se sentent très mal. Et ils recherchent, par exemple, avec un professeur, un instituteur, un enseignant, le parent à plaisanterie avec lequel ils vont pouvoir se lâcher. C'est vrai que la famille élargie manque beaucoup. Vous regardez beaucoup les films. Vous allez sûrement regarder la série qui commence sur Canal+, signée Sami Louata, consacrée à l'élection possible d'un président de la République arabe. Et Louata dit, moi je peux faire la fête à un mariage kabyle. Et puis j'aime beaucoup aussi l'entrée des sauvages dans les Indes galantes de Rameau. La série d'ailleurs s'intitule Les Sauvages. Voici l'interprétation ici de l'orchestre de la Chapelle Royale dirigé par Philippe Hervaig. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Les familles de l'immigration aujourd'hui avec Martine Segalen, le co-auteur de Sociologie de la famille aux éditions Colin. Nous avons décidé d'un commun accord de dédier cette émission au doyen Carbonnier, grand modernisateur du droit de la famille. Il y a de cela plus d'une génération qui disait la diversité c'est une grande chance pour la démocratie à condition que soient respectés de grands principes, l'égalité des hommes et des femmes, ajoutait-il, et puis la séparation de l'État et des religions, sinon ce sont les droits religieux qui l'emportent sur le droit républicain. Je voulais vous faire entendre deux témoignages, Martine Segalen, que vous allez pouvoir commenter à loisir. Soit dans un film de Colin Serrault de 1980, une famille d'Algériens installés à Gardanne, où le père travaille à la mine. Ils n'ont pas d'enfants quand ils arrivent, mais au bout d'un quart de siècle, ils en ont, tenez-vous bien, 20. Voici le dialogue entre des filles de Zora et leur mère. Les filles imaginent peut-être un avenir différent de celui qu'a connu leur mère. Je suis un jour, je me marie, que j'ai des petits, je ne voudrais pas avoir de filles. C'est elle qui fait le manger, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui s'occupe des enfants. Et le mari vient à la maison tranquille. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Il arrive, il met les pieds sur la table. Et il ne regarde pas si sa femme elle est fatiguée ou pas. Là, c'est parce que chez les Arabes, les garçons, c'est des pachas. Lui, il mange, il prend dans la voiture et il s'en va. C'est la belle vie, hein? Les garçons, eux, ils nous tapent. À eux, oui, aux petites. Qu'elles écouteraient. Oui, on écoute. On écoute et ils nous frappent quand même. Pourtant, c'est eux qui devraient se mettre à genoux devant nous. Nous, de toute manière, la vie qu'on mène maintenant à la maison, on sait très bien que si on se marie, on l'amènera quand même. Ma soeur, comme elle s'est mariée avec un Français, ça a été fini. Le fini. Mon père, il ne l'a plus jamais revu et jusqu'à la mort, il a dit « je ne la reverrai plus ». C'est pas du racisme. Des fois, moi, je dis, c'est bête. Et des fois, c'est une coutume qui a été comme ça, et ça a resté comme ça. Alors, le garçon, il a le droit d'épouser qui veut, et la fille, non. Mon père, lui, sa fille, elle est partie, c'est fini. Moi, je le comprends, papa. Parce que chez nous, il n'y a que des Algériens, et mon père, je ne le verrai pas discuter avec un gendre français. Et pourquoi ? Allez, deux séries de questions que vous abordez dans l'ordre que vous voulez, Martine Segalen. Le choix du conjoint et puis le choix des enfants, la fécondité. Bon, là, il est question d'un modèle qui a disparu. On sait que les premières générations faisaient beaucoup d'immigrés algériens ou autres, faisaient beaucoup d'enfants ou africains, parce que c'est les modèles classiques du pays d'origine qui sont appliqués en France. Et dès la génération suivante, il y a une baisse de la fécondité qui fait rentrer, si j'ose dire, dans les clous la fécondité des descendants d'immigrés. C'est même encore à décrire plus subtilement, parce que le père dit « oh ben moi, on n'avait pas d'enfants quand on était en Algérie ». Donc c'est comme une attente au péage, disent les démographes. Et puis après, il y a une accélération quand on arrive. Mmh. Et puis, avant même la fin de la première génération, régulation, on va à la même vitesse que les autres familles sur l'autoroute. Oui, mais enfin, quand même, 20 enfants, il faut le faire, c'est évident. Et ça reflète les relations hommes-femmes qui sont très bien décrites dans ce reportage. Ce qui m'a frappé aussi, c'est la façon dont mais là encore, on est dans les années 1980, où un mariage mixte est refusé par la famille. Alors que maintenant, deux tiers des unions sont faites avec des mariages mixtes. Alors il y a beaucoup de variables socio-démographiques qui nous expliquent ces taux et ces différences pour la situation contemporaine. C'est-à-dire que plus les filles sont diplômées, et on sait que dans les familles de migrants, ce sont souvent les filles qui sont les meilleures à l'école et ensuite à l'université ou dans les diplômes, sont celles-là qui sont plus diplômées et qui, du coup, ont des milieux de fréquentation qui sont plus ouverts. On revient toujours à cette question de l'homogamie. Comment faire pour se marier? Il faut trouver quelqu'un dans un milieu social qui vous correspond ou qui, au contraire, vous ouvre. Donc, pour faire un mariage non homogame, c'est-à-dire avec quelqu'un d'autre, il faut être dans des milieux sociaux plus ouverts auxquels vous accédez grâce au diplôme que vous avez eu. Mais l'émancipation, c'est quand même assez rare. Alain Girard, qui a beaucoup étudié ces questions-là, dit qu'on négocie, en général. On reste dans un cercle prédéterminé, quand même. on reste, oui, autrefois, c'était le cas. Maintenant, il y a une beaucoup plus grande ouverture à travers la fréquentation dans les universités. Et puis, une fois qu'on a le diplôme, on est dans le milieu du travail et on rencontre beaucoup de monde. Mais c'est vrai que le lieu où on trouve son conjoint, c'est ça le point, ou son compagnon, ou son mari, ou sa femme, c'est ça le point crucial. C'est les lieux de rencontre. Au bal de Polytechnique, on va rencontrer des filles et des fils de polytechniciens qui vont se marier ensemble. Là, on est dans, au contraire dans des figures d'ouverture et c'est ça qu'il faut souligner sur les mariages contemporains de descendants d'immigrants. Ceux qui, pour parler clair, dans la communauté musulmane ne souhaitent pas que se multiplient les mariages mixtes vont donc contrôler les lieux numériques de rencontre. Est-ce qu'on est sûr d'ailleurs que l'évolution des mariages mixtes va aller nécessairement et continuellement à la hausse? Vous m'interpellez sur exactement ce que je voulais dire, c'est qu'il y a maintenant une nouvelle génération après la génération qui était la génération des beurs. On parle maintenant de la génération des cités, et dans ces nouvelles générations, il y a nécessairement, pas nécessairement, j'enlève ça, il y a attention aux adverbes, un repli sur soi-même, et on observe une certaine quantité de mariages intracommunautaires qui sont finalement fabriqués par les parents. C'est le jeune homme qui va demander à sa mère de lui trouver une conjointe dans le pays d'origine qu'on va faire venir et qui va évidemment ne pas être aussi libre que sont les Françaises et qui va permettre de maintenir des traditions de l'islam auxquelles le jeune homme tient. Et c'est effectivement quelque chose qui peut poser problème. Je voulais vous faire décortiquer un deuxième cas tiré d'un documentaire de Patrick Rollet. On se souvient que le doyen Carbonnier disait il ne faut pas que les droits religieux de chaque religion empiètent sur le droit républicain. Il se trouve, c'est le thème de ce documentaire de Patrick Rollet, que la polygamie a une visibilité un peu plus grande ces dernières années. Je ne sais pas si on connaît les chiffres. On parle de 10 000 à 15 000 couples. C'était des chiffres qu'on donnait il y a 25 ans. En 2004. En 92, on disait entre 3 000 et 15 000. Alors, la précision est difficile à trouver. En tout cas, ici, voici un homme du Mali qui siège entre une femme et une femme sur le canapé de l'immeuble. Vous pensez que vos enfants garçons vont être polygames quand ils seront grands? Moi, je ne veux pas mettre à la place de mes enfants, parce que chacun a son temps. Ils ont né là où tu es né, tu prends les coutumes de là-bas. Peut-être qu'ils vont même pas marier, parce que la plupart des enfants d'ici, ils acceptent même de marier. Mais ceux qui veulent marier même en polygame ici, il a pris un héritage. Parce qu'il a vu ça chez lui, c'est son père. Donc s'il peut la faire, personne ne peut la condamner. Et vous serez d'accord? Moi, je suis toujours d'accord. Moi, je l'ai fait. Mon père a fait. Pourquoi condamner à mon fils de ne pas faire? Je suis toujours d'accord. S'il m'a mis une femme, qu'il a une deuxième femme, ou qu'il a une troisième femme, s'il a la place à le mettre, j'ai dit oui. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui sortent de la coutume? Ben moi, je dis bravo. Parce que c'est dur. Hein. C'est dur de partir vis-à-vis des regards des gens, vis-à-vis des regards des voisins, des gens qui nous ont connus polygames. Du jour au lendemain, partir, on est mal vu. On nous pointe du doigt dans la rue, on parle de nous derrière, même si on n'a rien fait de mal. Donc, on est obligé de rester. On reste là et on dit rien. Voilà. Mais c'est pas facile. C'est pas quelque chose que je conseillerais à faire et c'est pas quelque chose que je ferais pour ma fille. C'est un conseil que je donne aux gens qui m'entendent. La polygamie, c'est quelque chose de très dur. Partager son mari, même si on s'entend très bien, parce que je la considère comme ma sœur depuis le temps que je vis avec elle, mais c'est très dur. Entretien mené par Patrice Rollet en 2018. Bon, il faut comprendre d'abord d'où viennent ces coutumes, de ces pays qui sont d'Afrique subsaharienne, le Sénégal, le Mali, la Guinée-Conakry, qui sont des pays d'islam qui recommandent la polygamie. Et pour les hommes, c'est un signe de richesse de pouvoir dire qu'ils payent plusieurs femmes. Et évidemment, ce sont des coutumes qui sont importées en France et qui ne sont pas tout à fait acceptées chez nous. Et quand c'est là où justement la question que vous posiez entre le lien entre le droit et la sociologie est extrêmement intéressant, parce que la sociologie, il y a eu un livre tout à fait passionnant écrit par deux anthropologues, Journet et Odile Journet et Sylvie Fenzang, La femme de mon mari, où elles ont interviewé les femmes pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Dans l'entretien, je crois que là il y a que deux femmes, mais oui, quelquefois ils peuvent c'était en avoir bigame. Plus. Vous voulez dire que c'est un bigame? Oui, c'est un bigame. Mais elle raconte les rivalités entre les femmes, les rivalités du tour de lit, par exemple, avec qui il va coucher. Et sachant que au départ, une des raisons de la polygamie était l'interdiction de relations sexuelles pour les femmes qui allaitaient. Donc les hommes avaient besoin de plusieurs femmes pendant que les femmes avaient un enfant et allaitaient. Alors le tour de lit, des rivalités économiques, des rivalités domestiques, se battre dans la cuisine. Et là aussi dans l'entretien qu'on a, la femme qui dit elle est comme ma jeune sœur, c'est l'aînée, il faut obéir aux aînés. Bref, du côté des femmes, c'est souvent assez difficile et pas du tout idyllique comme est raconté là. Et par ailleurs, quand ces personnes arrivent en France, la polygamie est interdite et le problème, c'est la décohabitation, c'est-à-dire pouvoir installer ces femmes dans plusieurs espaces domestiques, ce qui n'est évidemment pas facile. La polygamie est interdite, en même temps, la pratique jurisprudentielle est très complexe à analyser, parce que bien sûr... les juristes, les magistrats sont enclins à reconnaître les effets négatifs du mariage polygame, mais ils peuvent aussi reconnaître la bonne foi des participants du mariage polygame. Pourtant, il y a l'état civil qui devrait faire foi. Très important pour vous, l'état civil. Ah, absolument. Mais je voudrais citer un propos d'une femme qui dit « Si tu signes la monogamie, c'est quelqu'un interviewé en Afrique, ton mari a des maîtresses et tu le vois pas à la maison, mais s'il est polygame, au moins tu connais les autres femmes. » C'est évidemment une justification de ce côté-là. Certes, l'état civil, c'est très important, mais enfin, je pense pas qu'il puisse aller se déclarer polygame à la mairie. L'état civil permet quand même la reconnaissance de situations difficiles. En même temps, si vous vous mettez... Des enfants, en tout cas. Des enfants qui sont nés, on leur donne un état civil. Juste d'un mot, Martine Ségalen, si maintenant on se met du côté des familles avec les mariages arrangés ou des familles avec des hommes bigames ou polygames, et si on se met dans la peau de ces immigrés, comment voient-ils la décomposition, recomposition, purification, diversification des familles de la population majoritaire? Bon, je voudrais pas parler au nom des familles polygames. Je n'ai pas fait d'enquête là-dessus et j'ai rien d'autre à dire que ce que j'ai rapporté des travaux de mes collègues. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une grande enquête qui s'appelle de l'INED, De 2010, ils sont en train de refaire la même d'ailleurs maintenant, et qui montre quand même que 2/3 des descendants d'immigrés font des mariages intégrés dans la société française, et ils font comme tous les Français, ils se marient ou ils se marient pas, ils divorcent ou ils divorcent pas, ils recomposent leur famille, et ils font partie totalement de la France de ce point de vue-là. Merci à vous, Martine Ségalen. Votre livre Sociologie de la famille. Remerciement à Céline Guéribi, avec, à la technique. Avec Agnès Martial, co-auteur de ce livre. Et moi, il faut que je cite le co-auteur de l'émission, Audrey Ripoux, notre réalisatrice.